Chapitre 18e. L'automne répand ses brouillards sur les marais et abaisse ses voiles sur les géants immobiles qui dominent l'horizon. Vivien Penrose arrive dans son dog-cart aux ardoisières et se dirige sans tarder vers le bureau de Mark. Les affaires ne sont-elles pas plus brillantes ? Demande-t-il brusquement à son frère. Loin de là. Eh bien, j'ai pris un parti depuis notre dernière conversation. Quel parti ? Celui de faire examiner les livres par un expert. Il n'y a rien de tel qu'un homme du métier pour mettre le doigt sur la plaie. « Supposez-vous ! » s'écrie Mark en faisant bond vers son frère. « Je n'accuse pas votre bonne foi, Mark, mais depuis 3 ans, il est clair que les choses vont à la dérive. Je ne connais rien à la direction des affaires et je commence à croire que vous ne vous y entendez pas mieux que moi. J'ai donc écrit à un homme d'expérience que je connais à Londres de venir examiner nos livres depuis 10 ans. Je vais les emporter avec moi immédiatement, car je l'attends ce soir même. » « Les livres ?» s'écrie Mark avec effroi. « Oui, les livres. Et j'entends que vous me les donniez immédiatement. Si vous avez fini, je vous engage à venir avec moi, » ajouta-t-il lorsqu'il eut refermé le coffre-fort et mis la clé dans sa poche. « J'irai avec vous, » répondit Mark en se levant. Le conseil dont M. Penrose avait sollicité les lumières n'était autre que M. Mulford, le commis de M. Trevenock. Louis Mulford était entré à l'âge de 14 ans chez un banquier, où il avait fait preuve d'une si grande aptitude qu'à l'âge de 22 ans, il était devenu l'un des 3 associés de la maison. C'était un établissement de fraîche date qui patronnait les affaires aléatoires, scabreuses même. Mais il faut croire qu'elle n'en alimentait pas moins la caisse, car les 3 associés, dont Mulford était le plus jeune, se livraient à toutes les prodigalités. Si on travaillait peu dans cette maison, en revanche, on s'amusait beaucoup. Le turf n'avait pas d'habitué plus fidèle et plus excentrique. Le chapeau mirifique commandé par eux aux chapeliers en vogue donnait le ton pour la saison aux jeunes écervelés de leur espèce. Le dog-cart était un modèle d'élégance et de légèreté. Malheureusement, la poudre qu'il jetait aux yeux n'était pas de la poudre d'or, et un jour un créancier se plaignit très haut que les 3 associés eussent mis le grappin sur l'actif d'un banqueroutier sans rien distribuer aux créanciers. Celui-là leur mit si bel et bien l'épée dans les reins qu'il les fit à leur tour déclarer en faillite. Le chef de la maison partit pour l'Amérique, le second associé se fit sauter la cervelle, et le troisième, Mulford, jeta des cris d'oiseau qu'on écorche, prétendant qu'il avait été joué, que les économies de sa pauvre vieille mère avaient été englouties dans l'abîme et qu'elle n'avait plus qu'à mourir à l'hôpital. Cet argument était une carte qu'il avait toujours en main et qu'il lançait toutes les fois qu'il se trouvait dans l'embarras. Il fournit des renseignements si précieux pour supplier aux erreurs de la comptabilité qu'on finit par admettre que Mulford était plutôt en réalité le pigeon plumé que le corbeau qui plume. Sans doute, il avait payé des chapeaux 3 livres sterling chez Melton. Sans doute, il se montrait à Epsom et à Ascot dans un équipage d'une élégance outrée. Mais il avait agi comme un jeune fou, et sa jeunesse lui procura le bénéfice des circonstances atténuantes. Tel était le passé de M. Mulford quand il devint le commis de M. Trevenock. M. Mulford mit pour condition à son entrée dans la maison que M. Trevenock lui céderait son cabinet d'affaires au bout de 2 ans. 5 ans étaient déjà écoulés et il ne réclamait rien. Si peu considérable que fussent ses gains chez M. Trevenock, ou à en croire Florence, un client était plutôt l'exception que la règle, ses appointements n'en paraissaient pas moins suffire à le faire vivre lui et sa mère. Celle-ci, du reste, savait si bien se dissimuler que personne ne la connaissait. « J'attends aujourd'hui quelqu'un à dîner, » dit M. Penrose à sa femme. « Est-ce quelqu'un que je connaisse ? » répondit-elle. « Oui, c'est le commis de votre père. Il est ici ?»« Oui, non pas comme invité, mais pour affaires. Je l'ai engagé à venir ici ce soir, plutôt que de chercher un gîte à Camelot. Je regrette de voir qu'il vous est antipathique. »« Je ne saurais dire le contraire, » repartit-elle, « bien que mon antipathie n'ait aucune raison d'être. Quand nous allions chez mon père, Florence et moi, il s'est toujours montré envers nous poli, empressé, obséquieux, et c'est même peut-être la cause de... « De notre antipathie, » dit Florence en l'interrompant. « Les araignées, les reptiles, les limaçons, les Mulford m'en font horreur. »« Vous reconnaissez néanmoins qu'il n'a rien fait pour justifier votre antipathie, » dit Vivien en s'adressant à Florence et en la regardant, « comme on regarde dans une volière un oiseau nouvellement acclimaté et dont on ne comprend pas encore les allures. Moi, je n'ai garde de dire cela, par exemple, car je déclare qu'il est faux, côteleux, hypocrite. » Il a eu l'impertinence de nous plaindre, et sa pitié est un de mes griefs contre lui. Aussi ne suis-je pas fâché, je l'avoue, qu'il voit Barbara dans un magnifique château avec des laquais et des équipages. Je pense que sa pitié n'a plus de raison d'être maintenant. « J'espère que non, » repartit Vivien tristement. 7 heures sonne. Une cloche dont les échos doivent retentir jusque sur les cimes de la montagne se fait entendre dans le château et aux alentours. Molford, arrivé depuis une demi-heure à peine, entre dans le salon en habit noir et cravate blanche. Il s'approche de la cheminée au coin de laquelle Barbara est assise. Un feu de bois s'écroule en braise dans l'âtre. La jeune châtelaine porte une robe de velours noir avec un col et des manchettes en vieux point d'Angleterre. Un médaillon d'émail noir sur lequel scintille une encre en brillant est suspendu à son cou par un velours bleu. C'est un des bijoux que Vivien lui a donné pendant leur séjour à Paris. Barbara s'est fait une loi de ne jamais paraître à la table de son mari dans une attitude négligée. Cette tenue élégante lui semble une arme contre le découragement qu'elle ne veut pas laisser percer. M. Molford fait un pas en arrière d'un air surpris quand Mme Penrith tourne vers lui. Elle a beaucoup changé depuis qu'il ne l'a vue. La jeune fille s'était épanouie comme une fleur qui s'ouvre. La dignité de ses manières prend Molford par surprise. Il s'attendait à trouver une personne maigre, nerveuse, agitée, mécontente. Il est en face d'une jeune femme dont le temps n'a fait que rehausser la beauté. Une belle âme se révélait dans ses grands yeux, une âme qui, passée au creuset de l'épreuve, en était sortie plus pure. Elle salua M. Molford avec une froideur qui le tint à distance. « J'espérais trouver M. Penrith ici, » dit-il. « Mon mari est quelquefois un peu en retard, » répondit-elle, « mais je ne crois pas qu'il se fasse attendre longtemps. » On entend alors un froufrou bruyant, et Florence fait son apparition. Un tourbillon de volant de taffetas, sur un jupon empesé, raide comme du carton-pierre, précurseur prochain de la crinoline, puisqu'il faut l'appeler par son nom. La jeune personne répond au profond salut de M. Molford, avec la dignité hautaine et raide d'une infante. Il ajoute immédiatement cette impertinence à son long compte de grief contre Florence. « Votre père m'a chargé de le rappeler à votre souvenir. » À ce moment entre Mme Trevenoch dans une élégante voilette de douairière. Peu après, Vivien et Marc arrivèrent, n'ayant fait d'autre frais que de se passer de l'eau sur les mains en toute hâte, dans une pièce du rez-de-chaussée où le squire mettait ses livres, ses fusils, ses cravaches, ses fouets et ses drogues pour les bêtes malades. « Comment allez-vous, Molford ? Bien, j'espère. »« Très bien, » répond-il en souriant. M. Penrith offre immédiatement son bras à Mme Trevenoch, laissant aux autres le soin de s'arranger entre eux. Molford s'avance vers Mme Penrith et Mark se précipite du côté de Florence. On se met à table, mais la conversation languit. M. Molford aborde la question de la guerre des Indes. « A-t-on fini par découvrir le nom du malheureux qu'on a traîné, coupé en morceaux, dans un sac ?» demande Florence. « Comment ? Vous songez encore à cette vieille histoire ?» repartit Molford. « À Londres, personne n'y pense plus. La guerre des Indes absorbe tous les esprits. » C'est un crime mystérieux qui rappelle le temps de Lucrèce Borgia. À cette époque, que de nobles ont ainsi disparu dans les canaux, après avoir été cousus dans des sacs par leurs parents, leurs amis, et voire même leurs ennemis. Et le poison, les fleurs même n'étaient pas pures de tout soupçon. Puis, au détour d'une rue, un individu masqué vous attendait, un poignard caché sous son manteau. La respiration manquant à Florence, M. Molford en profite pour reprendre le sujet de la guerre. Il parle de Havelock, de Colin Campbell, de Lucknow, de Cawnpore, du siège de Delhi et des officiers qui y ont pris part. Barbara écoute, pâle d'émotion et attend, les yeux fixés sur Molford, le nom qu'il va à coup sûr prononcer. « J'ai vu avec satisfaction, dit-il, qu'on a épargné les jours du vieil empereur, mais le meurtre des trois princes est un acte de barbarie qui m'a révolté jusqu'au fond de l'âme. »« Des princes ? » dit Florence. « Vous voulez parler sans doute des enfants d'Édouard ?»« Je veux parler du fils, du neveu et du petit-fils du grand Mogol, tué par le major Leland, » reprit Molford. « Les grands drames de notre histoire sont encore dépassés par cette trahison et cet assassinat. »« Cet assassinat ?» s'écrie Barbara, les yeux enflammés et les joues en feu. « Qui a jamais pu appeler ainsi un acte sublime de justice, accompli ouvertement à la face du soleil et de l'ennemi ? Ne savez-vous donc pas qu'ils étaient une poignée d'hommes contre des milliers d'insurgés armés jusqu'aux dents ? Ne savez-vous donc pas que le major Leland, sans craindre ses furieux, leur a reproché les crimes de leur prince, qui avait égorgé ses femmes et ses enfants, dont le sang crie encore vengeance ? Appelez-vous un pareil acte de justice un assassinat ? Si vous croyez savoir quelque chose du siège de Delhi, exceptez-en du moins ce qui concerne l'héroïque conduite du Major Leland. » Madame, murmure M. Mulford en s'excusant. « Avez-vous oublié les paroles du général Wilson à ses troupes avant le siège et la proclamation où il disait que les meurtriers des femmes et des enfants seraient tués sans miséricorde ? S'il ne devait pas y avoir d'indulgence pour eux, comment aurait-on pu épargner les princes, leurs chefs ? Ils étaient prisonniers, ils s'étaient rendus, sans condition, ils savaient ce qu'ils avaient à attendre. Le major Leland a fait son devoir noblement, bravement, ce n'est pas dans sa nature d'être cruel. J'oubliais que vous le connaissiez. Je vous fais mes excuses, madame. » « Je vous donne ma parole que son nom avait échappé de mon souvenir et dans la chaleur de la discussion. » Vivien se retourne du côté de M. Mulford et voyant le trouble de Barbara, il dit à son tour « Pourquoi faites-vous des excuses à ma femme ?»« Ah, je vois, c'est sans doute un ancien ami de la famille. » »« Oui, et un héros dont la gloire est sans tache et dont l'Angleterre a le droit d'être fière, » repartit Mme Trevenock. Dit Vivien. « Je n'imaginais pas que le personnage en question fût un si grand héros. »